bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, comme programmation, mais on a une nouveauté du groupe In Continuum. Ça, c'est avec Dave Kirshner. On a Banco del Mutuoso Corso d'Italie. On a The Samurai of Prague, qui est une formation multinationale. On a Hiromi's Sonic Bloom du Japon. On a une formation québécoise Ex Libris. On a aussi de la Suède, une nouveauté de The Flower Kings. On a Introitus, qui est aussi de la Suède. On a une nouveauté britannique avec Drifting Sun. On a quelque chose aussi qui nous vient de la Lituanie, le groupe The Skies. Et on a une demande spéciale de Patrick Martin de Shawinigan qui voudrait entendre un groupe qui s'appelle Last Night. Night dans le sens de chevalier. Ça s'appelle K-N-I-G-H-T et non pas N-I-G-H-T. Donc, le dernier chevalier ou le chevalier en retard. Et ça nous vient d'Espagne. Alors, on va entendre ça. C'est à vous finir l'émission. Alors, avant de débuter l'émission, j'aimerais quand même vous raconter une anecdote concernant les difficultés que j'ai eues depuis deux semaines avec mon répertoire, en fait, ma banque de données, ma discothèque numérique. J'ai été hacké par un mineur de crypto-monnaie. Ça veut dire que mon ordinateur a été pris en otage. Et ce n'est pas un virus, mais c'est une application. En fait, c'est quelqu'un qui sert de mon ordinateur pour faire des calculs. Et c'est mon fournisseur de services informatiques qui m'a averti qu'il y avait une très haute activité sur mon ordinateur personnel, ce que je n'avais pas détecté du tout. C'était transparent pour moi. Et étant donné que j'ai eu des difficultés à faire la mise à niveau de ce logiciel-là qui gère mon ordinateur, eh bien, j'ai perdu ma base de données. Je n'ai plus de musique. Alors, je vais essayer de rétablir ça. Puis, si je le fais avec succès, bien, c'est bien entendu un rendez-vous qu'on aura pour la semaine prochaine, mais ça risque de se compliquer. Alors, restez à l'écoute. Visitez la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous allez avoir toute l'information concernant mes habiletés à reconstituer ma base de données. Alors, on débute ça avec In Continuum, qui est un groupe. C'est le groupe de Dave Kirshner. Dave Kirshner qu'on a connu aussi avec la formation Sound of Contact. Simon Collins, le fils de Phil Collins, entre autres. Alors, ils ont fait un album, Sound of Contact, et auparavant, Dave Kirshner a participé avec des groupes là, ou des artistes comme Steven Wilson et puis aussi Steve Hackett comme musicien invité dans les spectacles ou même il a déjà participé avec Alan Parsons à des enregistrements. Il a aussi quatre albums studio en solo. Et là, avec le groupe In Continuum, ils viennent faire paraître le deuxième volet de son projet qui s'intitule Acceleration Theory. Là, c'est le part 2, Annihilation. Et là-dessus, on retrouve beaucoup de musiciens connus. On a entre autres Nick Virgilio, qui est le batteur de Spock's Beard, et aussi plus récemment avec Big Big Train. On a John Davison. Qu'on retrouve avec Yes, puis qui était auparavant avec Glass Hammer. On a aussi Gabriel Agudo, qui est le chanteur de Bad Dreams. Alors, c'est mon ami Paul Baudouin de Shawinigan qui va être content d'apprendre ça. Alors, In Continuum, c'est un... c'est-à-dire le dernier album, là... Acceleration Theory Part 2, c'est quand même un album qui dure 64 minutes, réparti sur 12 pièces. Et moi, je vous en propose deux. Ça va être Annihilation et puis Interstellar Reunion. Alors, on débute ça tout de suite avec In Continuum. Thank you.

Thank you. Alors, c'était In Continuum, groupe formé autour de Dave Kirzner. Et on a entendu deux extraits de l'album Acceleration Theory Part 2. Et mentionner que j'avais oublié d'introduire le guitariste. J'ai fait mention de plusieurs artistes qui ont participé à cet album-là, mais j'avais oublié de mentionner Fernando Pomo. Alors ça, c'est un excellent guitariste qu'on a connu avec ses albums solo. Après la pause, Banco del Mutuoso Corso de Samurai of Prague et puis Hiromi's Sonic Bloom. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute avec le groupe italien Banco del Mutuoso Corso. C'est un groupe qui a été très actif là, dans les années 70-80. Il revient avec un 24e album, c'est Transsiberiana. Ça, c'est après 24 ans d'absence, entre le 23e et le 24e album. Et ils nous reviennent aussi avec un nouveau chanteur. Alors, ce qu'on va entendre, par contre, ce n'est pas une pièce originale. C'est Métamorphosie, en fait. C'est une longue pièce qui a été surtout populaire là, dans les débuts des années 70. Ça va être suivi avec la formation multinationale de Samurai of Prague. Et ils ont sorti un album compilation qui s'intitule Omnibus The Early Years. Et là-dessus, on trouve plusieurs hommages à des groupes connus. Et ce qu'on va entendre, c'est Korn Evil Nine, Second Impression. Ça, c'est une pièce qui a été rendue populaire en 1973 par Emerson, Lake and Palmer sur l'album Brain Salad Surgery. Et on va enchaîner avec la pianiste japonaise Hiromi Huora, et qui fait partie du groupe pour l'occasion de cet album-là. C'est Time Control, l'album, et ça s'appelle Hiromi's Sonic Bloom, et la pièce Time Control and Controlled by Time. Alors, on débute avec Banco. We'll be right back. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant la pause, on avait Hiromi's Sonic Bloom. Ça, c'est la talentueuse pianiste japonaise qui, quand même, est rendue à 11 albums là, après peut-être 15 ans de carrière. C'est une très jeune musicienne, mais très talentueuse, comme vous avez pu le constater. Ça avait été préféré, c'est-à-dire précédé, de Samurai of Prague et une interprétation très réussie de Carnival 9 de Emerson, Lake & Palmer. Et en début, bien, on avait une pièce en spectacle de Banquo del Mutuo Soccorso. Alors, j'invite les auditeurs à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Vous allez y trouver toute l'information là, concernant les artistes là, qui ont passé dans l'émission aujourd'hui, avec le titre des pièces, le titre des albums et beaucoup d'autres informations. Alors, pour le troisième bloc, on va aller du côté québécois avec une nouveauté d'un groupe qui, quand même, en tout cas, selon mes recherches, a fait un seul album, un album homonyme en 1900. Je vais juste référer ici à mon... C'est Ex Libris. Ils avaient un album en 1993, je crois, ou 95. Et là, ils nous reviennent avec Ulysse, 25 ans plus tard. Et j'ai choisi la pièce Boîte noire. Et ensuite, ça va être... Flower Kings qui vient de faire paraître là, un nouvel album qui s'intitule Waiting for Miracles, et je vous propose deux extraits, The Crowning of Greed et Ascending to the Stars. Et en fin de bloc, ben, un autre groupe de Suède là, qui va terminer avec ben, c'est Introitus et la pièce Belong. Ça c'est extrait de l'album Shadows. Ça, c'est aussi une nouveauté de 2019. Alors, on débute avec le groupe québécois Ex Libris. Comme une Waiting for the spark. Some more, let my soul Alors, c'était Introitus. Ça, c'est un groupe suédois. Et ça avait été aussi précédé par un autre groupe suédois, The Flower Kings. Et en début de bloc, ben, on avait la formation québécoise avec une nouveauté. C'était Ex Libris. Alors, après la pause, Drifting Sun d'Angleterre, The Skies de Lituanie et une demande spéciale de M. Patrick Martin de Shawinigan. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va débuter ce dernier bloc avec une formation britannique du nom de Drifting Sun. C'est un groupe qui existe depuis 23 ans. Ils viennent de faire paraître leur sixième album studio. Il s'agit de Planet Junkie. Et je vous propose la pièce Everlasting Creed. Ça va être suivi d'un groupe qui vient de Lituanie, c'est The Skies. C'est un groupe qui existe quand même depuis quatre albums studio. Ils ont débuté en 2004. Le dernier album s'intitule Automatic Minds. Et je vous propose la pièce Love of Life. Et pour terminer l'émission, on a une demande spéciale de Patrick Martin de Shawinigan. Il nous propose un groupe d'Espagne. Il s'agit de Last Night. Night, ça s'appelle K-N-I-G-H-T. Alors, pour faire une différence avec la nuit, Night. Alors, Last Night, c'est un groupe qui existe depuis 2001, donc 18 ans d'existence. Et ce qu'on propose ici, c'est un extrait du cinquième album, leur plus récent, qui s'intitule Seven Deadly Sins. Et la pièce Slot. Alors, on débute ça avec Drifting Sun. Look at yourself in a true mirror now. What do you see hiding in the dark? Lover, I'll sleep with your hands folded close. Your heart is still falling sad without hope. Angel of death, son of the sun is lost. No curse for. Thank you. Thank you. wanted the gold and I got it. I came out with a fortune last fall. Yet somehow life is not what I thought it, and somehow and way too late. I tried to make a fire and light my love of life. It was empty all around, and all my thoughts fall on empty stones. So much of my thoughts will be again. Oh, so to me, where will I go? We better off. are you on to something new? Run me over, maul it over, fuck me over till you've had your way. Alors, c'était le groupe espagnol Last Night. C'est une demande spéciale de Patrick Martin de Shawinigan. C'est un groupe que je ne connaissais pas et je le découvre avec beaucoup d'intérêt. Je regarde la liste des pièces qu'il y a sur cet album-là. Il y a quand même 7 pièces avec des développements, donc pour 69 minutes. Et on retrouve aussi des musiciens pas mal connus, dont John Mitchell qui joue pour Arena, Frost, entre autres, Lonely Robot. On a Richie Castellano de Blue Oyster Cult. Écoute, c'est quand même de la grosse pointure. On a aussi Théo Travis du groupe The Tangent, entre autres, et qui a aussi joué pour Gong. Alors, je me suis procuré l'album il y a quelques jours et j'ai seulement eu le temps d'écouter la pièce Slot qu'on a fait jouer. Et je pense que cet album-là va se qualifier pour un top 15 2019. Mais là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau. Je vais me donner la chance d'écouter le reste de l'album. Probablement que si je réussis à retrouver, bien entendu, les fichiers que j'ai perdus, alors c'est un gros défi pour moi pour revenir en onde la semaine prochaine parce que je n'ai plus accès à mon catalogue musical, malheureusement. Alors, ça m'a fait à la programmation musicale. Là, c'était la 233e émission de Rock de Neurone. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi, et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et si vous voulez l'écouter à partir d'Internet, eh bien, c'est disponible sur SoundCloud. Vous avez qu'à taper Rock de Neurone dans la barre de recherche de SoundCloud pour y accéder. Et si vous voulez aller du côté des émissions archivées, bien, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurone. Et sur cette page-là aussi, vous allez trouver des palmarès, notamment les 50 meilleurs albums de rock progressif québécois, les 110 meilleurs albums de rock progressif italien, les 100 meilleurs albums progressifs de tous les temps. Ça, c'est un lien vers le site Prog Archives. Et aussi, vous avez le palmarès là, des 25 meilleurs ou les 30 meilleurs albums de rock progressif qui sont actifs au courant. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez aimé l'émission et qui vous invite à vous joindre à nous pour une prochaine émission de Rock de Neurones, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières.